sur flamme pour mon fesse conduit. Sur le podium, je braque du point de vue. Ce qui sépare une chaîne d'une louve, c'est que tu restes fidèle à ton blast pendant que je l'ouvre. J'ai évité les karchers, pas la DN de ma race. On ne fuit pas les démons, on les chasse. Gugus clan veulent une infirmière de race blanche. Mon cursus prend la piqûre d'un rap French. Flunch mes punchlines sont ta volonté. Mon resto a du cœur, t'accueille volontiers. Chapeau bas, Benoît XVI, je me préserve actif de phoque de mon 93. Politiquement incorrect, oh vierge. Marie, pardonnez mes péchés, mais ce n'est que le fruit défendu de votre chère patrie. Je souffre pour mettre au monde quand vos lois de répression n'augmentent que la violence de ma stricte prestation. Comme un homme, je rappe, comme une femme, je kick. Avec la mention blâme pour mon fait produit. Sur le podium, je braque mon point de vue. Et ici, mes punch ont du charme. Comme un homme, je rappe, comme une femme, je kick. Avec la mention blâme pour mon fait produit. Sur le podium, je braque mon point de vue. Et ici, mes punch ont du charme. Mitigé, même Dieu ne parle pas au athée. Je comprends donc qu'il faut me voir pour y croire. Baby, t'as raté. Je n'ai pas mon rap dans ma poche. Que les misogynes sortent de leur PC. Que je leur montre ma quête floche. Quand je porte la vie, ma parole pioche. Une dame de cœur, une rose à part. Un lobby nini. Les femmes au foyer, juste en un couplet. Je fais ton ménage dans le rap français. Appelle-moi Mikia. Vesta, même si ça. Tic, tac, tic. T'as la vista, le temps ne fait pas de sieste. Qui t'a toqué, t'a kiki, qui t'a kiké. DJ sec. Un coup de boule est si vite arrivé. Je suis banalophobe. Y'a pas que les femmes qu'on leur règle. Vu que le rap est pour les hommes. Quoi qu'ils me préfèrent ici que sur le bureau de Bill Clinton. Comme un homme je rappe, comme une femme je kick. Avec la mention blâme pour mon fait produit. Sur le podium je braque mon point de vue. Et ici mes punch ont du charme. Comme un homme je rappe, comme une femme je kick. Avec la mention blâme pour mon fait produit. Sur le podium je braque mon point de vue. Et ici mes punch ont du charme. T'as toute ta tête, fais pas le fou. J'ai la flemme de trouver des excuses alors que tu me poses problème. T'as un handicap aux gens, frère, pas aux faux serres. Un cul-de-jatte reste un homme avec ou sans père. Le Nike-er, avec ou sans papier. C'est la même. Le billet de mes aînés. Yes, we can. Si tu crois en toi, tout peut t'arriver. Donc si j'ai foi en moi comme un homme, le pire ne vient-il pas t'enculer. La femme au mic, on vient casser la baraque. Appelle-moi Barack. Oh, mom. Fais pas le fou, négro, tu vas perdre ton génie. Le poids de mes mots est plus lourd que la magie de pénis. Comme un homme, je rappe, comme une femme, je kick. Avec la mention blâme pour mon fait produit. Sur le podium, je braque mon point de vue. Et ici, mes punch ont du charme. Comme un homme, je rappe, comme une femme, je kick. Avec la mention blâme pour mon fait produit. Sur le podium, je braque mon point de vue. Et ici, mes punch ont du charme.